Élection providentielle. Élection providentielle. Élection providentielle, une émission animée par Aymeric Pourbet avec l'hebdomadaire Réforme et le site orthodoxie.com. Les voies de la Providence, on le sait, sont impénétrables et cela est encore vrai lorsqu'il s'agit d'élections, fussent-elles présidentielles ou législatives. Malgré tout, émission après émission, nous tentons de percer cet épais mystère avec humilité en compagnie de nos invités. Quand je dis épais mystère, il ne s'agit pas, bien sûr, de la chronique d'une victoire annoncée, celle de la droite, ou d'une déroute prévisible, celle d'une gauche en mal d'identité aux législatives de ce dimanche. Non, il s'agit bien plutôt de tenter de comprendre le temps que nous vivons, sa mutation, la rupture peut-être, que l'actualité politique ne fait que traduire. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la société, je n'ose dire à ces individus, disons plutôt à ces tribus, puisque vous êtes un de ceux qui ont particulièrement étudié ce phénomène du retour des tribus. Michel Maffezoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à la Sorbonne, analyste de ce qu'on appelle la postmodernité. Vous nous direz comment vous la définissez. Et puis, vous êtes auteur également de La transfiguration du politique, la tribalisation du monde postmoderne. Tout un programme, et c'est à la table ronde. Avec moi, toujours, pour vous interroger, Jean-Luc Mouton de l'hebdomadaire Réforme et puis Jean-François Colosimo, théologien orthodoxe et essayiste et qui représente le site orthodoxie.com. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Michel Maffezoli, il est une tribu particulièrement disséquée en ce moment, c'est la tribu politique avec ses mœurs parfois curieuses, son langage, ses codes. Est-ce qu'elle vous a paru beaucoup changer cette tribu lors de ces élections législatives, présidentielles? Il y a quand même, on dirait, une sorte de renouvellement. Qu'est-ce qui vous frappe là-dedans? Oui, elle a changé parce que le monde change d'abord, hein, vous venez de dire mutation, il y a un vrai changement de peau qui est en train de s'opérer. Elle a changé, elle n'en est pas consciente. Voilà le problème, hein. Très souvent dans ces moments de changement de fond, on fait quelque chose et on n'a pas les mots pour dire ce que l'on fait. Et pour dire en bref, moi c'est un peu ce qui me paraît être en jeu actuellement, elle continue à rester sur un discours qui est rationnel, programmatique, alors que dans le fond, ce qui est de l'ordre du politique actuellement, c'est l'émotionnel. Voilà. Pour dire bref, hein. C'est-à-dire que finalement, cette tribu politique, toutes tendances confondues, et là de ce point de vue, gauche et droite, pour moi il n'y a pas de vraie différence, pense qu'elle fait encore du politique, dans le sens, on pourra en parler de ce qu'est l'essence du politique, alors qu'elle fait autre chose, elle fait du spectacle. Jean-François Colosimo. Oui, M. Maffezoli, on va peut-être aller peut-être un peu directement au but. Le vocabulaire sportif, l'atmosphère festive, la culture du résultat, l'émotion, ce sont tant de raisons pour pas mal de vos confrères philosophes de se lamenter en disant « voilà, nous perdons le politique ». Et vous, je dirais, vous vous réjouissez plutôt, quoi. Ou en tout cas, vous ne vous lamentez pas de tout ça et vous dites « bon, voyons ». Oui, de toute façon, moi je trouve qu'il n'y a pas lieu de se lamenter pour analyser ce qui est, déjà, hein, et d'une certaine manière, se purger des... On peut regretter une évolution. C'est pas mon genre. De toute façon, je pense qu'il faut essayer de réfléchir sur ce qui existe et non pas sur ce qu'on aimerait qu'il soit. Ça, c'est mais la politique, c'est quand même plus le lieu de la rationalité, vous avez de la réflexion, de l'émotion. Quand même. Ah, mais tout à fait, vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que moi, je me souviens avoir suivi les leçons de mon vieux maître à Strasbourg, Julien Freund, qui a écrit 900 pages pour expliquer ce que c'était que l'essence du politique. 900 pages. Quand on lui demandait de résumer en quelques mots ce que c'était ces 900 pages, il me disait « le politique, dans le fond, c'est un projet ». Je jette en avant un but, et par tactique et stratégie, je vais ajuster ces moyens à ce but. Comment est-ce que cela se fait? Eh bien, je fais un programme, représentation philosophique. Si je vous ai convaincu, homme rationnel, vous me donnez votre voix, représentation politique. Ça, c'est ça, l'essence, j'aime bien ça, l'essence du politique. Voilà. Mmh. Et il se trouve que cela est en train de muter. Voilà, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. On reste sur ce schéma programmatique, rationnel, alors que tout un chacun va en appeler au ventre. Il y a de l'hystérie dans l'air, c'est ça l'émotionnel. Ah, c'est tout, prenons-en acte, on peut en penser ce qu'on veut par après. Moi, j'ai ma conviction là-dessus, mais enfin, ça c'est autre chose. Mais Michel Maffezoli, est-ce qu'on a eu projet contre projet lors de l'élection présidentielle, ou est-ce qu'on a eu des postures politiques, des images, des icônes? Non, il n'y avait aucun projet, il n'y avait pas d'attitude programmatique, où on paraît qu'il y a bien sûr des petites bricoles, si je puis dire, mais tant en ce qui concerne Mme Royal que Nicolas Sarkozy, il n'y avait rien qui était et véritablement de l'ordre du projet. Je peux être un peu plus d'un côté que de l'autre, je vous laisse le choix pour savoir ce qui est un peu plus programmatique d'un côté ou de l'autre. Mais dans le fond, c'était quand même plutôt ce jeu de l'apparence. Prenons ces grands moments que sont Charletti et l'autre Bercy. Bercy. Voilà, hein, et Charletti avec Madame Royal. Il y avait une homologie structurelle, si on parle à la manière du structuraliste. On retrouvait quelque chose qui mettait dans le fond en jeu les émotions, en jeu le ventre. Vous voyez, c'est ça. Alors on peut se lamenter là-dessus, moi, je pense. Mais je pense que là, de ce point de vue, Jean-François, ça veut dire que l'intelligentsia est totalement déconnectée. Elle continue à réfléchir encore une fois sur ce qu'elle aimerait que soit le politique. Or, ne fût-ce que pour changer cela, ne fût-ce que pour lutter éventuellement contre ce devenir émotionnel, eh bien, il faut d'abord reconnaître ce qui est. Voilà. Jean-François Colasimo. Oui, malgré tout, bon, vous avez toujours été l'homme qui a dénoncé en quelque sorte l'illusion des grandes majuscules, n'est-ce pas ? L'État, la République, la nation, etc. En montrant que la réalité était souvent infiniment plus complexe, plus vibrionnante, plus vibrante, tout simplement. Et alors là, quand même, d'un côté, on a de l'émotion, mais de l'autre, on a quand même le retour de ces grandes majuscules, n'est-ce pas ? On a eu des grands discours sur la nation, sur la France, etc. Comment vous expliquez ce mélange, quoi ? L'émotion d'un côté, puis en même temps, j'ai des discours, on pourrait dire, en quelque sorte, tout de même, très généralistes, voire un peu pontifiants. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un retour de ces majuscules, comme vous dites. Je vais le dire de manière qui peut paraître compliquée, mais qui, moi, me paraît important. Toujours, il faut prendre des petits détours comme ça. Il y a une très belle scène, ou des très belles pages, que Hölderlin, dans son poème Hyperion, qui décrit cette lutte de libération des Grecs contre les Turcs. Et il montre bien que... célébrer ce qui va être la nation grecque. Lutte de libération. Et il emploie un mot que les Allemands, bien sûr, peuvent créer, puisqu'il crée des néologismes. Pour montrer ce côté nationaliste, il emploie ce néologisme de nationnel. C'est-à-dire quelque chose qui ne repose pas sur un idéal de raison, mais un idéal d'émotion. C'est ça, le nationel. Bien, pourquoi je fais ce petit détour ? C'est parce que je crois que c'est cela qui a été en jeu dans cette dernière campagne. On se servait du mot nation, drapeau, qu'est-ce qu'il y a eu encore ? La Marseillaise, toutes ces vieilles lunes, si vous voulez. Mais dans le fond, ce qui était en jeu, à mon sens, hein, voilà ma réponse, c'était plutôt encore les émotions nationelles. C'est-à-dire quelque chose qui me liait à un territoire. Ça, c'est archaïque. Oui, il y avait retour de l'archaïque, mais ce n'est pas une majuscule universaliste. Et le désir de sécurité, M. Lefezoli ? Ça, moi, je n'y crois pas trop. Je pense que c'est typiquement une projection de ceux qui ont le pouvoir de dire et de ceux qui ont le pouvoir de faire, ces hommes politiques et nous tous, hein, journalistes, universitaires, de divers ordres, qui dans le fond projetons sur l'extérieur nos craintes, les craintes que nous avons dans notre tête. C'est nous qui avons peur du monde. Et donc cette insécurité, on la projette puisque c'est nous qui avons le moyen d'écrire, la possibilité d'écrire. En fait, tout un chacun a besoin un peu de violence, a besoin de cette fascination pour le bandit, cette fascination pour ceux qui justement est de l'ordre du désordre, je fais exprès d'employer cette expression-là, me paraît être beaucoup plus forte que le désir de sécurité. Quand vous dites nation, nationnel, on entend aussi un petit peu, peut-être que je me trompe, vous allez nous le dire, fusionnel. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre dans ce retour de l'identité nationale ? Bien sûr, ne dites pas identité nationale, il n'y a pas d'identité nationale, il y a des identifications, c'est-à-dire qu'on va s'identifier à des figures comme ça, mais d'une manière autotémique. Pourquoi pas d'identité nationale ? Expliquez-nous. Non, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que dans certains moments de grande mutation, c'est vous qui avez employé le mot de mutation, moi je crois que nous sommes dans un moment de mutation, on ne peut, pour décrire ce qui est en train de se passer, que prendre des mots que l'on a à sa disposition. Je pense ici à un sociologue américain qui s'appelle Schutz, qui disait cela, « stock of knowledge at hand », ce que j'ai à la main. Et donc, dans le fond, comme on n'a pas les mots pour décrire ce qui est cette mutation, on va puiser dans ce que l'on connaît. L'identité nationale en est des références, etc. Ce que nous avons ingurgité au 18e, 19e, ces grands systèmes philosophiques et sociaux du 18e, 19e. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un décalage entre cette intelligentsia, nous, soyons clairs, qui continuons à utiliser ces schémas qu'on a sucé avec le lait maternel, la petite enfance à l'alma mater universitaire, mais que ces schémas sont en décalage. C'est pour ça que je dis ça. Alors, je réponds quand même à votre idée. Oui, moi je crois qu'il y a de l'effusion, il y a de la confusion. C'est cela l'émotionnel. Pour le meilleur et pour le pire, ce que je dis n'est pas très réjouissant forcément, hein, mais il convient de le reconnaître. C'est-à-dire que il y a fort longtemps, moi j'avais écrit un livre qui s'appelait L'ombre de Dionysos et qui était une sociologie de l'orgie. On s'était un peu moqué de moi à l'époque. Mais dans le fond, je faisais référence à mes humanités. L'orgueil en grec, c'est les passions communes. Et je voulais faire une sociologie justement de ces passions communes. Ce livre date de 25 ans, mais moi je trouve qu'il y a des illustrations. Hein, les rassemblements dont je parlais montrent bien qu'il y a de la viscosité dans l'air. Ce n'est plus l'individu rationnel qui est en jeu, c'est la confusion. Est-ce que ce sont du pain et des jeux ? Pardon ? Oui, vous avez raison. Panem est sans cesse. En effet, il y a quelque chose qui me paraît assez étonnant. Pour tout vous dire, moi, je considère que nous vivons un moment qui peut être éclairé par ce 3e, 4e siècle. Hein, vous connaissez Peter Brown, donc, qui a écrit des très beaux livres sur le culte des saints, sur saint Augustin, enfin, qui est un grand spécialiste anglais, maintenant américain, de cette période. Et son analyse, moi, m'a beaucoup inspiré pour comprendre ce qui est en jeu actuellement. C'est-à-dire des grandes institutions qui sont là, dans le fond, des institutions vides. Peter Brown explique ça, il prend la première phrase de Gibbon, « Le Sénat légifère, mais ne règne pas ». Donc on a des institutions. Et puis on a vide. Qui est là, une coquille vide, qui ne correspond pas à grand-chose. Et puis dans ce moment-là, troisième, quatrième, un grouillement de petites sectes, chrétiennes, Mitra, Orphée, des cultes à mystère. Il se trouve que c'est les sectes chrétiennes qui vont prédominer, pour une raison d'ailleurs amusante, c'est qu'à l'opposé des autres cultes, des autres sectes à mystère, elles vont sécréter quelque chose de très beau, moi je trouve, qui est la doctrine de la communion des saints. Hein, moi qui suis le petit groupe de Milan, je suis uni en esprit à ceux de Lugdunum, de Rome, ou de Lutèce, etc. Et c'est cette communion des saints qui va faire qu'il y a civilisation chrétienne. Alors, moi c'est ce qui me paraît être en jeu actuellement. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je dis ce 3e, 4e siècle, cette décadence romaine. Le mot qui est lâché. Tombe, hein, ça tombe, des cadavres. Et en même temps, on voit surgir, comme à l'époque, quelque chose d'autre qui va donner la civilisation chrétienne. En la matière, c'est un peu quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire qu'on a des grandes institutions, avec, gérées par une intelligentsia, pour moi, totalement déphasée, et puis une vraie vie où ça grouille un peu partout. Des petites tribus, en effet. Et la communion des saints postmodernes, pour moi, c'est Internet. Là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer, et qui fait qu'il y a une liaison en pointillé de tous ces petits groupes. Quelque chose de virtuel aussi. Alors, on peut dire virtuel, mais le virtuel devient non moins réel. Enfin, je veux dire, ça, c'est une vieillité. Tenez, vous êtes de réforme. Moi, j'étais beaucoup influencé par l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber. Grand moment aussi de césure et de mutation. Et il a cette phrase, on lui a reproché hein, cette liaison éthique protestante esprit du capitalisme, moi je pense que c'est parfaitement juste. Et il a une phrase très belle, c'est ça ma réponse. Il dit on ne peut comprendre le réel qu'à partir de l'irréel. Ce qui est réputé réel, en la matière des querelles théologiques. Eh bien le virtuel, nous en avons peur, alors que dans le fond il peut faire liaison. C'est ça la communion des saints pour moi. Jean-Luc Mouton, bien la question. Moi, je voulais revenir. Tout ce que vous dites est extrêmement passionnant, mais si on regarde les choses très concrètement, par rapport, par exemple, au président qui va être élu, il se passe qu'un peu quelque chose sur le plan des symboles politiques. On avait un président vieillissant qui a regardé passer les trains, qui était un peu dans les schémas que vous venez de décrire là, avec une institution coquille vide, avec des gens qui grouillaient partout. Et puis là, on a un président volontariste, on le voit courir, s'agiter. Il vient de sortir du G8 en ayant dit son fait. Enfin, on a l'impression qu'il y a une nouvelle donne, un nouveau langage, une nouvelle façon de faire. Enfin, on nous vend ça un peu. Alors, est-ce que c'est. Et on a l'impression que les Français, enfin, pour dire l'opinion, les sondeurs constatent qu'il y a une espèce d'amélioration. Enfin, tout ça, c'est très vague. De l'esprit, du moral des Français. Alors, est-ce que quand même, autour des politiques, on noue quelque chose autour de je ne sais pas, de la nation, du pays, de la confiance? Est-ce qu'on peut espérer du politique des choses de cet ordre-là? Est-ce qu'il ne se passe pas un peu ça aujourd'hui? Vous avez cité un de mes livres, La transfiguration du politique. Hein, moi, je suis de ceux qui ne pensent pas qu'il y ait la fin de ceci, la fin de cela, la fin du monde, la fin de l'homme, la fin du social, comme cela a été dit. Et j'avais à dessein employé ce terme de transfiguration, en pensant justement à la fête de la transfiguration du Christ, d'ailleurs, le 6 août. Et donc, quelque chose qui faisait qu'on passait d'une figure à l'autre. en la matière, c'est la transfiguration du politique. C'est-à-dire le politique était, ce que j'ai dit tout à l'heure, rationnel, passe à quelque chose qui me paraît être émotionnel. Hein, de la conviction à la séduction. Et de ce point de vue, que ce soit... Nicolas Sarkozy, il est totalement là-dedans. Voilà, ouais. Nicolas Sarkozy ou Madame Royal, je veux qu'on lit les deux. Ouais. Hein, parce que dans le fond, c'est pas neutre qu'ils soient arrivés et l'un et l'autre, qu'ils aient réussi à s'imposer et l'un et l'autre. L'une a perdu, l'autre a gagné, c'est pas sûr qu'elle ait vraiment perdu. On verra bien. C'est ce comme on dit chez moi, ben, il rase bien. On verra bien ça. Hein. Moi, je suis pas sûr qu'il ait vraiment perdu. Mais il se trouve que et l'un et l'autre, moi je les mets sur le même plan, dans le fond, rentrent dans cette perspective, et c'est pas péjoratif quand je dis dans le fond, ce fait qu'ils savent, ils ont le nez creux, ils cristallisent quelque chose. Donc ils représentent bien la transfiguration du politique. Michel Maffezoli, on s'interrompt quelques instants pour écouter Paul McCartney, Stevie Wonder, et puis on se retrouve juste après. Radio Notre-Dame. What we need to survive together. Side by side on my piano keyboard. Ebony Ivory, Paul McCartney, Stevie Wonder, de retour dans cette émission avec Michel Maffezoli, sociologue, professeur à la Sorbonne. Nous parlons de cette décadence qui nous guette ou qui nous menace ou qui est un fait à constater peut-être avec ces institutions, vous nous le disiez à l'instant avant la pause, qui fonctionnent comme une coquille vide à côté d'un bouillonnement de tribus justement. Vous avez beaucoup étudié ces tribus et je voudrais revenir sur un fait d'actualité de cette semaine, c'est un propos du CRAN, justement le Conseil représentatif des associations noires, qui regrette la sous-représentation des Noirs à l'Assemblée nationale à l'occasion de ces élections législatives. Est-ce que ce n'est pas le signe, Michel Maffezoli, que finalement ces institutions, qui semblent peut-être des coquilles vides, continuent leur pouvoir d'attraction, de séduction aussi? Est-ce que finalement, il n'y a pas encore là quelque chose qui vit? Dans quel sens ça peut vivre? Dans le sens où ça continue d'attirer ces tribus, justement, oui, ce bouillonnement. Oui, moi, enfin, ce qu'on peut constater d'abord, c'est qu'il y a en effet une sous-représentation. Et ça, c'est le problème, je dirais, très français, j'allais même dire franchouillard, de ce point de vue. Hein, c'est-à-dire où la République ne peut être qu'une et indivisible. Et donc, de ce point de vue, où il fallait gommer les spécificités, les manières de parler, d'être, etc. Moi, je suis d'un petit village des Cévennes, où il y avait un petit fond de Français. Et puis alors, des Italiens, des Espagnols, des Tchèques, venaient travailler dans les mines de charbon de ce petit village. Et moi, je me souviens, et d'ailleurs mes parents également, expliquant comment, dans le fond, on perdait sa manière de parler, sa manière d'être, sa manière de s'habiller, de sentir bon ou mauvais, etc. Bien. Et ça, c'était l'acculturation. C'était cela, la belle idée de la République. Je trouve que ça ne marche plus. Moi, c'est ça mon hypothèse concernant la postmodernité. On pourrait en parler d'ailleurs un jour. Et le fait qu'il y ait des revendications tribales, ethniques, communautaires, pour le meilleur, et pour le pire. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il y a un vrai décalage entre, d'une part, cette vie, qu'on le veuille ou non, communautaire, qui est le caractéristique de la France, et puis les représentations politiques ou institutionnelles. Donc, je ne pense... Ça peut attirer un peu, mais ce n'est plus un processus, et c'est ça ma vraie réponse, ce n'est plus une vraie attraction. Quand un aimant a perdu de son attraction, il n'a que ce qu'on appelle de la rémanence. Il attire la lémaille de fer. Donc, il y a quelques-uns, Rachida Dati, j'en sais rien, moi, quelques héros éponymes, comme ça, que l'on va retrouver dans les partis politiques, mais pour moi, la vraie vie n'est plus là. C'est une tentative de colmater un petit peu les brèches. C'est le fait, c'est ce que j'appelle la rémanence, hein, ça attire un tout petit peu à la marge. Insistons là-dessus, la vraie vie actuellement, elle n'est plus dans le politique. Excusez-moi de vous décevoir si c'est cela qui vous intéresse. Mais c'est un constat. Oui, c'est pas tout à fait. Quand on a allez, regardé les partis politiques, il y a un renouveau d'adhésion dans les partis politiques. Le PS a gagné je ne sais pas combien de milliers d'adhérents. Le parti de François Bayrou, le Modem qui a rassemblé... Je suis allé voir, il y a beaucoup de jeunes qui sont mobilisés, qui ont une espèce d'enthousiasme. Alors peut-être qu'il est factice, il est temporaire. Est-ce que c'est pas la course aux places? On peut dire ce qu'on veut, mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas des quelques signes là qui montrent l'intérêt pour la politique? Je suis d'accord, mais rappelez-vous sur ce que l'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire, est-ce que c'est du politique dès le moment où c'est de l'émotion qui est en jeu? C'est premier vrai, point. Vous pensez que c'est autre chose? Voilà, c'est autre chose. Je ne dis pas qu'il y ait de l'émotion. Je dis, c'est faux de l'appeler d'un mot qui n'est plus qui pertinent. Qui correspond plus. Pertinent, dans le sens scientifique du terme. Dès lors, le mot politique, pour moi, est un mot impertinent. Alors pourquoi les jeunes, par exemple, se mobiliseraient pour le Modem ou, Je voulais que je vous le dise un peu d'une manière savante. Allez-y. Spengler, dans Le déclin de l'Occident, parle des pseudomorphoses. L'idée d'un pseudomorphose, c'est-à-dire comment dans une niche va se faire une autre concrétion minéralogique. Et que dans le fond, il y a cette niche du politique, et en effet, il peut y avoir des jeunes qui vont là y faire une autre concrétion. Mais ce n'est pas véritablement du politique. Alors, moi j'ai analysé justement, il y a peu dans un article que j'ai fait il y a quelques jours, en disant, là où tout le monde voit le retour du débat démocratique, est-ce que ce ne serait pas finalement, comme dans tout feu d'artifice, il y a le bouquet final? C'est avant beau. Quoi Avant autre chose, avant le fait qu'on revienne à la réalité, à la fin de ça. Moi, je pense que c'est un bouquet final, voilà. Mais alors, à ce propos, je parlais du Modem à l'instant. Il y a eu plusieurs choses qui sont passées à cette campagne quand même. Cette histoire autour de François Bayrou, qui partait à 5-6%, qui est arrivé à 18-19%, qui est monté à un moment très très haut, et qui a rassemblé autour de cette idée toute simple, d'abord de critique des institutions, lui, il est allé très fort par rapport aux médias, et deuxièmement, sortir un peu des clivages traditionnels, droite-gauche, des oppositions stériles, rassemblons les meilleurs meilleure volonté. Enfin, ce discours-là, il a visiblement accroché à quelque chose. Dans la mais quel était le programme? Alors, dites-nous. Eh bien, il n'y avait pas, justement. Il n'y avait pas, si, il y avait cette idée de déplacement, d'un politique qui est plus raisonnable. C'est qui minimaliste. Qui prenait un peu à droite, un peu à gauche. Les gens qui se donnaient, si les meilleurs gars du monde voulaient se donner la main. Non, mais exactement, c'est gentil. Non, mais c'est gentil, c'est minimaliste. Mais ça, ça marche, je suis d'accord. Ça a marché. Ça risque encore un peu plus tard de marcher. Mais ce n'est, je me tue à vous dire, ce n'est plus du politique. C'est-à-dire, ce n'est plus programmatique. D'accord. C'est tout. Il faut marteler cette idée-là, parce qu'on l'a compris, mais dans le fond, on va continuer à réencoder en termes politiques ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Alors, Michel Maffezoli, justement, il faut pourtant, sans parler de politique, une organisation de la société. Ce bouillonnement, qu'est-ce qui peut être capable aujourd'hui de l'organiser, de le traduire à l'échelle d'une société? D'une part, c'est pas du tout impensable, et cela a existé, qu'il puisse y avoir un type d'ordonnancement libertaire. Moi, je trouve que l'anarchie n'est pas forcément quelque chose d'inintéressant. L'anarchie, Élisée Reclus disait une très belle chose. C'est un protestant, Élisée Reclus. Il disait, l'anarchie, c'est l'ordre sans l'État. Donc, il peut y avoir un ordonnancement de quelque chose sans que cet ordonnancement s'inspire d'une structure pyramidale. Et c'est ça ma vraie réponse. C'est-à-dire qu'on va voir revenir de diverses manières quelque chose qui était, dans le fond, l'essence du politique. La prise en charge de la cité, la police. Alors, il faut trouver d'autres mots pour dire cette prise en charge, puisque le politique est devenu lointain, abstrait. Eh bien, il faut retrouver quelque chose. Moi, je pense que c'est impossible ce que je vais dire. Enfin, je dis des mots tout de même. Quelque chose qui est de l'ordre de la domus, domestique. La prise en charge de la maison commune. Oikos, la sensibilité écologique, c'est la prise en charge de la maison commune. Encore. Voilà, il faut voir ce qui est ce que l'école de Palo Alto, en Californie, appelait de l'ordre de la proxémie. Et je trouve qu'il y a des quantités de phénomènes actuellement qui renvoie à cette proxémie, le quartier, quelque chose qui est en effet là en gestation. Je ne sais pas ce que ce sera, on peut patouiller dans les marmites de l'histoire, c'est Marx qui nous l'a bien montré, mais en même temps il faut repérer une série d'indices qui renvoient à cette idée proxémique. Jean-François Colosimo. Disparition quasi effective du Parti communiste, effacement tout de même de cette extrême gauche qui s'atomise complètement, baisse radicale du Front National, on a l'impression que ce sont en fait les mouvements qui étaient centrés sur des idéologies, une représentation idéologique très forte, dans un contexte très autoritaire, qui là, finalement, sont rejetés aux marges. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire ça? Moi, je pense que c'est toutes les institutions, et celles que vous venez de citer, représentées d'une manière caricaturale, en effet, ce qui, est, dans le fond, était l'ordre du politique. Moi, je pense que c'est les institutions en tant que telles, l'instituée, qui ne marche plus, la forme instituée, là je dis à la manière zimmélienne, il y a des formes sociales qui marchent pendant un moment, 2-3 siècles, moi je crois, un paradigme, ça marche 2-3 siècles, et puis là il y a une saturation. On n'en est pas encore conscient, donc on va continuer à parler du politique, on va continuer à aller dans ces niches que sont les partis politiques, mais dans le fond c'est les creuser pour autre chose. Alors je maintiens, moi je pense qu'il faut être attentif, en tout cas moi mon travail, je ne sais pas si je suis sociologue, en tout cas j'essaie de penser ce qui est en gestation, eh bien c'est d'essayer de repérer quel est ce mouvement, quelles sont ces nouvelles formes de solidarité, nouvelles formes de générosité, c'est ça là. Je vais vous donner un exemple, tenez, quand j'étais jeune, moi, le mot caritatif, ben, ça sentait mauvais. Ça sentait le curé, dans le fond, quelque chose qui était caritatif. Regardez comment, actuellement, ce mot caritatif est un terme qui a pris une nouvelle force et vigueur, qui, dans le fond, devient quelque chose d'important. Et qu'est-ce que c'est que le caritatif? Ça ne règle rien. Sur le long terme. C'est une emplâtre sur une jambe de bois. Et en même temps, voilà pour moi une de ces formes de solidarité. Simple, au plus près. Donc, je dirais, soyons attentifs. Je prends cet exemple-là, au développement de ces formes caritatives. Je dis bien qu'ils ne règlent rien sur la longue durée, qu'ils ne s'inscrivent pas dès lors dans le politique, projet, mais qui, au contraire, vont s'employer à soigner ici de la compassion, de la passion partagée, etc. Jean-François Colosimo. Oui, bon, malgré tout, pour revenir un peu au contexte, Nicolas et Ségolène ont joué, ont concouru, c'est Nicolas qui a gagné, c'est quand même Ségolène qui a perdu. C'est un échec du matriciel, c'est maman est moins aimée que le grand frère, malgré tout. Il faut réfléchir un peu, moi il me faut du temps toujours, mais je ne suis pas sûr, je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle est vraiment perdue. Bon. D'ailleurs, elle ne l'a pas vraiment montré non plus. Elle n'a pas du tout reconnu en tant que telle. Et moi, je pense que ce n'est pas une femme intelligente. Hein, donc, l'autre non plus. L'autre non plus. Mais les politiques n'ont pas à être intelligents. Hein, ils ont à sentir des choses. J'ai dit tout à l'heure. C'est une forme d'intelligence, quand même. Oui, c'est vrai, intelligère, mettre en lien, mettre du lien, etc. Mais je veux dire, pas d'intelligence dans le sens. Il faut maintenir cette distinction. Le savant et le politique, c'est deux choses différentes. Hein, bon, d'accord. Mais en même temps, elle a senti, comme lui, on sentit des choses. Et elle a senti qu'elle n'avait pas perdu. Et elle n'a pas perdu sur ce point que vous venez d'employer. Moi, j'y suis attentif. Donc, c'est pas grand-chose, 5 ans, 10 ans, tout ça. Hein. Quand on regarde sur les histoires humaines, c'est notre travail. Il faut me laisser un peu du temps pour réfléchir. Mais ce qui est en jeu, oui, moi, je crois que c'est le matriciel qui va revenir. Et le matriciel, justement, ce n'est plus le phallus politique, ce n'est plus... moi, j'ai eu un de mes vieux maîtres, Gilbert Durand, qui montrait comment la structure, le régime diurne qui avait caractérisé l'Occident, la modernité, il disait en termes savants, c'est la diérétique, ce qui tranche, ce qui coupe, le glaive qui dit le vrai du faux, le bien du mal, hein, etc. C'est le soc de la charrue qui fouille, c'est le phallus dressé, le logos spermaticos, hein, le logos qui est spermatique, etc. Et ça, c'était les grandes caractéristiques de ceux qui aboutissent aux politiques. Moi, je sais, et je vous apprends ce que vous ne savez pas, je vais vous tirer, je vais vous éduquer, j'ai le pédagogique, hein, ou éducat en latin, etc. Ce qui est en jeu actuellement pour moi, c'est un des aspects de la postmodernité, c'est en effet, je lance le mot, l'invagination du sens. Hein, ce qui revient au trou, au creux. Et là, de ce point de vue, ben oui, c'est Ségolène Royal, au-delà de beaucoup de choses, alors qu'elle n'est pas très féminine, représente bien cette dimension d'invagination du sens. Alors, pour le moment, ça n'a pas marché. Il y a eu un petit blocage franchouillard là-dessus, mais c'est pas grave. Moi, j'aimerais que vous développiez ça. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la société, cette invagination du sens, comme le terme que vous employez? Comment vous décrivez ça? On a besoin de quoi? Ça montre quoi dans la société? Écoutez, en termes philosophiques, c'est très simple. Regardez comment le mot sens, dans nos langues néo-romanes, signifie à la fois la signification et la finalité. N'a de sens que ce qui a du sens, que ce qui va quelque part. Et dans le fond, c'était ça, l'essence du politique. Mmh. Hein, c'est-à-dire, il y avait un sens en fonction... Donner une direction. Le sens de l'histoire, hein, quelque chose qui était une finalité. Levitt avait écrit quelque chose là-dessus, j'ai oublié le titre, enfin, peu importe. Alors que, quand je dis, moi, invagination du sens, c'est que ce qui est en jeu actuellement, là, c'est très matriciel, c'est le fait qu'il peut y avoir du sens ici et maintenant. C'est ça, le trou. Le trou, le ventre, c'est cette terre aussi. Et les mouvements, les phénomènes hystériques que l'on voit dans le politique, pour moi, c'est une expression, dans le fond, du fait que ce n'est pas au cerveau qu'on s'adresse, mais au ventre, à l'ustérus. C'est ça, vous voyez, bon, il faut le développer, mais c'est ce que j'appelle cette invagination du sens. La sensibilité écologique, c'est une invagination du sens. C'est-à-dire quelque chose qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure, à l'oikos, à la domus, à la maison dont je prends en charge. Ce qui était une des manières de penser à l'origine le politique. Hein, c'est-à-dire, dans le fond, l'organisation de la maison, la gestion de la maison. Mais on supprime l'histoire, alors? Ah oui, bien sûr, oui. L'histoire du salut, c'est fini. C'est le retour du destin qui est en jeu. Oui, les communautés de destin, la société, c'est l'histoire. La communauté, c'est le destin. Là, c'est pas facile à penser, ça. On sort peut-être du christianisme aussi. Oui, c'est plus chrétien, ça. Je suis confus de vous le dire, oui, bien sûr, je le pense, oui, que c'est pas très chrétien. Ou alors, il faudrait voir, mais là ça nous engage, vous pouvez être plus compétent que moi, mais je lisais un des livres justement du doyen Stroll sur Luther jusqu'à 1515. L'idée de la prédestination. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre du fatum, une rémanence? La prédestination, c'est pas très luthérien, c'est plutôt Calvin. Hein. Ah bon, mais je le voyais sur... Oui, chez Luther en parle, mais Luther pas du tout. C'est Calvin qui a systématisé. Et il y a une grande critique du luthéranisme contre... Ah bon, ben alors, vous voyez, alors donc... Non, mais ça m'intéresse, la prédestination, comment vous le récupériez? C'est parce qu'on se fait beaucoup d'écoles divines, sont très très critiquées à cause de ça. Ah bon, dans le sens que je viens de dire, c'est-à-dire, dans le fond, vous disiez l'histoire, qu'est-ce que c'est que l'histoire? Potentiellement, je peux la maîtriser. Je maîtrise ma propre histoire par éducation, etc. Et donc j'arrive à construire le monde avec d'autres qui maîtrisent leur propre histoire. Exactement, voilà. Ouais. Là. Tandis que dans le destin, il faut que je fasse avec, je me dépatouille, je me débrouille. Je disais incidemment, mais je vous dis, moi j'ai pas de compétences, il me semblait que la prédestination avait ce côté un peu destinal. hein, quelque chose qui a été écrit. Oui, bien sûr, bien sûr. Jean-François Colossino. Il y a une double récitation. Les sauvés sont sauvés et les damnés sont damnés depuis l'origine. En plus, tu vois, il y a... C'est-à-dire que le choix importe, mais la grâce est première. Oui, on récupère quand même quelque part. Une question, Jean-François Colossino. Pour en venir, juste une remarque, je crois que le christianisme a été adressé un tel inventaire de tout ce qui a été fait avant lui, a été un tel conservatoire, qu'on n'aura pas de mal dans le 8e sous-sol à trouver certainement une manière de récupérer de bricoler tout une note positive. Je crois, mais c'est un autre chose. Ça, c'est Jean-François Colossimo qui le fait. Mais pour parler d'une autre dimension, quand même plus immédiate, justement, de ce problème. Il veut revenir toujours aux politiques. Non, pas seulement ça, Jean-Michel. Regardez, on a quand même une efflorescence communautaire incroyable, dont les religions s'emparent. Hein, vos tribus, c'est pas que vous en parlez très bien, ceux qui se tatouent, ceux qui brûlent des voitures, mais il y a aussi ceux qui portent des habits noirs et qui ont arrivé à convaincre les candidats de parler d'eux pour la première fois, les ruptures de la laïcité, non ? Oui, bien sûr. Vous pourriez peut-être un peu commenter là-dessus, parce que c'est une grosse rupture, là, me semble-t-il. Pour tout vous dire, pour rester en liaison avec ce qu'on vient de dire, je pense qu'il y a un glissement de l'histoire au destin. Ça, c'est un problème philosophique, on en reparlera un autre jour, parce que c'est un problème pas facile, mais dont on n'est pas conscient. Et dans ce glissement de l'histoire au destin, c'est le retour de tous les divers syncrétismes. L'astrologie en est une expression très forte, mais il n'y a pas que cela, et qui traduit comme indice le fait qu'il faut faire avec quelque chose qui me dépasse, pour dire bref. Bon. Et alors, dans cette perspective, c'est le retour de la communauté. La communauté, c'est toujours une communauté de destin. La société, c'est une société de l'histoire. La communauté, comme vous avez dit, là encore, Weber, Tenis, pas mal de sociologues en ont parlé. Alors, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on avait une conception de la République une et indivisible. Il faut passer à une conception de la res publica qui va se faire à partir de la mosaïque de choses diverses. La chose publique, dans le fond, pourquoi ne serait-elle pas justement un ajustement de choses diverses ? Et que dans le côté très franchouillard, gauche et droite confondus, avec des nuances, il faudrait voir entre Madame Royal et Sarkozy. Et puis moi, j'ai discuté avec l'un et avec l'autre sur ce thème-là en particulier. Hein, donc je ne peux pas aller plus avant, sinon pour dire que il y a des choses qu'ils n'osent pas et l'une et l'autre dire, mais qu'ils pensent. C'est-à-dire qu'il faudra prendre en charge ces communautés, qu'on le veuille ou non. Et qu'il ne sert à rien de faire de l'incantation sur le communautarisme. Voilà quelque chose de très franchouillard, moi, qui me paraît scandaleux, arrogant, prétentieux et qui risque d'être contre-performance, c'est-à-dire que si on traite de communautarisme ce qui est en jeu, ça ne peut qu'accentuer les attitudes ethniques, etc. Alors que, plutôt que de parler de communautarisme, pourquoi stigmatiser ce beau mot de communauté, dans le fond, qui est un beau mot ? Moi, j'avais dit tribu à l'époque, comme ça, pour faire chic, pour faire un peu choc, mais dans le fond, si j'avais osé, c'est le mot communauté que j'aurais plutôt pris. Pour rendre attentif au fait qu'il puisse y avoir un ajustement de ces communautés les unes par rapport aux autres. J'ai dit la mosaïque tout à l'heure, c'est cela. Michel Maffezoli, on vous retrouve dans un instant, juste après Mio Sec brûle. Radio Notre-Dame. Tout lui, tout brille, mais rien ne brûle. Tout brille, tout scintille, mais rien ne se consume. C'est comme ça, c'est ainsi. Tout sans vie, tout un prix, tout se calcule. Tout brille, tout scintille, mais rien ne brûle. Même l'amour a un prix, même le désir se calcule. Même quand on sait jouer des points et beaucoup moins des virgules. Tu ne l'as peut-être pas compris, tant pis je récapitule. Tout brille, tout scintille, même au crépuscule. Même l'envie parfois s'envie, ça en devient ridicule. Bien sûr on peut en rire, tout a un prix, tout s'éternit. Tout se dit simule. brille, tout lui, mais rien ne brûle. Même quand il est plus de midi, et même quand arrive la canicule, même quand on ferme de l'esprit, et même quand on s'allume, je n'ai sans doute rien compris. Alors tant pis, je me crame, je me brûle. Michel Maffezoli est avec nous, professeur à la Sorbonne. Le réenchantement du monde, morale, éthique, déontologie, c'est publié à la table ronde. Alors Michel Maffezoli qui nous disait à l'instant ce retour en quelque sorte de la communauté en dépit ou malgré la société ou la disparition, avec aussi la disparition de la société. Ce retour de la communauté, est-ce que ce n'est pas aussi une parenthèse qui se ferme, une parenthèse qui a été ouverte à la Révolution française avec la volonté de créer un homme abstrait, dégagé justement de toutes ses appartenances communautaires? Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Maffezoli? Oui, bah, écoutez, vous venez de donner la réponse. elle est là. Moi, je pense en effet que si on le... deux termes un peu comme ça, savants, mais que l'on connaît, le mot de paradigme, Thomas Kuhn, quand il réfléchit justement sur les découvertes scientifiques, ou le mot d'épistémé propre à Michel Foucault. C'est-à-dire montrant comment, pendant 2-3 siècles, il y a une épistémé ou un paradigme. Paradigme, c'est une matrice où quelque chose peut naître, se développer, croître, etc. Un système. Moi, j'aime bien le mot matrice. Le mot matrice, c'est simple. Matrice en termes mathématiques ou en termes biologiques. C'est-à-dire là où quelque chose peut naître, se développer. Il y a des réquisites, il y a des conditions de possibilité qui font qu'à un moment donné, on va voir ceci. Lui, il le montre pour les révolutions scientifiques. Foucault, dans le mot épistémé, c'est la même chose. C'est-à-dire une connaissance épistémée. En grec, la connaissance, il y a le mot théorie, connaissance pure. L'épistémé, qui est une connaissance qui s'applique. Donc, il montre bien que chaque 3 siècles, pour dire, bref, moi, je suis pas d'accord avec cette position temporelle trop stricte, mais disons, que chaque 3 siècles, 4 siècles, 2 siècles et demi, suivant les observateurs, eh bien, il va y avoir un changement d'épistémé ou un changement de paradigme. Celui de la modernité, celui de l'universalisme, en effet, qui s'élabore Descartes, philosophie des Lumières, les grands systèmes sociaux du 19e siècle, qui fonctionnent tant bien que mal jusqu'aux années 50-60 du 20e siècle, était un modèle très abstrait, très rationnel. Un exemple parmi d'autres en France. La départementalisation. Une journée à cheval pour aller du chef-lieu au bout du département. Voilà typiquement un modèle de découpage totalement abstrait, si vous voulez, qui faisait que on ne respectait pas les différences régionales, les spécificités, les pays, les pays dans le sens fort du terme, etc. Mais typique, la départementalisation, qui traduit bien cette abstractisation, en quelque sorte, de la société. Moi, je crois que cette épistémé s'achève. Alors, le terme que j'aime proposer au débat, moi, c'est le mot de saturation. C'est-à-dire, non pas la fin de quelque chose, comme je disais pour la transfiguration, non pas la fin de quelque chose, mais l'idée de saturation, c'est que les diverses molécules qui composent un corps donné, ça ne peut pas rester ensemble, il y a divorce, et ces mêmes molécules rentrent dans la composition de notre corps. Et dans le fond, moi, c'est ce qui me paraît être en jeu. Saturation du grand modèle sociétaire et recomposition du grand modèle communautaire. Et dans le fond, il y a toujours ce va-et-vient, c'est un problème de socialisation. Parfois la socialisation devient de l'unité fermée, très monothéiste. Parfois, il y a de l'unicité. C'est les mystiques du Moyen-Âge qui parlaient de l'unicité. C'est-à-dire, l'unité, c'est un cercle fermé. L'unicité, c'est une cohérence en pointillé. Moi, je pense qu'on est en train de rentrer dans un modèle de l'unicité. C'est-à-dire, le modèle européen, où en font les régions, les villes, que vont se correspondre. Jean-François Colosimo. Et sans qu'il y ait quelque chose quand même qui corresponde fort à votre analyse, c'est ce qui marche, entre guillemets, dans les religions monothéistes aujourd'hui, c'est les racidimes chez les juifs, c'est-à-dire une mystique assez émotionnelle et exaltée, les évangéliques chez les protestants, les charismatiques chez les catholiques, on ne sait pas très bien ce qui marche en orthodoxie, je ne suis pas sûr que ça marche, donc je laisserai la question de côté. Mais donc on voit quand même dans le climat du démonothéisme en Occident, il y a cette exaltation. Et en même temps, les hiérarchies ne suivent pas. Il y a un hiatus énorme. Comment on va faire, là, d'un point de vue communautaire ? Et juste un appendice, une petite remarque, où on a bien compris, vous n'étiez pas un traditionnaliste de Saint-Nicolas du Chardonnay, mais vous aimez beaucoup la liturgie latine à laquelle Benoît XVI est en train d'ouvrir la porte. Un petit commentaire à la fin là-dessus, s'il vous plaît. Ah oui. Non, je ne sais pas si je le dirai, mais je vais le dire au début. J'y suis allé l'autre jour à Saint-Nicolas du Chardonnay, justement, il y avait, pour voir, et ça m'a ému parce que ça me rappelait ma jeunesse, hein, c'est-à-dire ce côté finalement très émotionnel où le prêtre n'est pas coram populo, mais le prêtre s'adresse à Dieu et dans le fond il tire vers lui la communauté vers Dieu. Moi je pense qu'il y a des retours se feront là. Hein. Il y a eu une protestantisation de l'Église catholique, malheureusement on peut dire. Ah bon ? Oui, bien sûr, qui est l'expression de cette rationalisation et qu'il y a retour de forme émotionnelle. Alors ça peut prendre l'expression des traditionnalistes que l'on vient de citer, mais je pense que ça prendra d'autres formes d'expression. Et les charismatiques, sous ces diverses modulations, renvoient dans le fond à ce qu'étaient ces vibrations communes que l'on retrouve dans la glossolalie antique, par exemple, la Pentecôte, dans le fond, où ça vibre, où le corps social se constitue à partir de vibrations communes. Mais voilà, alors les politiques vont s'emparer de ces communautés religieuses au moment où elles sont finalement le plus désorganisées d'un point de vue hiérarchique, au moment où elles cèdent au sentiment. Qu'est-ce que ça va donner ? Moi, mon sentiment sur le moyen terme, c'est qu'il y a il n'y a pas de récupération possible. Hein. Je vous ai dit, ma sensibilité libertaire ou anarchiste, je la redis. Hein. C'est-à-dire que ce qui est en jeu, ce qui me paraît important, c'est l'instituant. Cet instituant, c'est la multiplicité de ces petits groupes. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'avais été frappé de voir cette église catholique typique du 19e, Saint-Augustin, qui se vidait, dans le fond, et qui, je ne sais plus ce qu'il y en est actuellement, mais sur le pourtour, il y avait des quantités de petites chapelles qui avait été squatté, dans le fond, par des petits groupes comme ça, de prière. Alors on mettait des petites icônes de la Vierge, une statue, des tapis de prière, des coussins. Alors vous avez la nef centrale de l'institution ecclésiastique vide, et puis des petites chapelles qui étaient comme étant la tactique du nid du coucou, hein, où des groupes de prière allaient se retrouver, etc. Et moi je pense que c'est cela qui va développer. Alors nous sommes dans ce moment où les institutions restent ce qu'elles sont, mais que le vrai pouvoir attractif va se faire dans ces petites tribus, ces petites communautés, dans tous les sens du terme. Et les institutions ne pourront que suivre éventuellement, mais elles ne pourront pas diriger le mouvement. Est-ce que cette mutation que nous sommes en train de décrire avec vous, est-ce qu'elle est une chance ou au contraire un danger pour justement ces religions et le christianisme en particulier ? Ah ça, c'est pas mon problème, ça. Ça, je vous laisse. Mais vous avez un avis là-dessus ? Non, moi j'ai pas d'avis, j'ai d'avis sur rien. Vous avez pu constater que je n'ai pas de conviction particulière. Hein. Je fais un tableau, j'essaie de faire une autographie. Moi, ce que je peux dire en la matière, c'est que d'abord, je pense que c'est, je reprends ici une parole papale, hein, il ne faut pas avoir peur, il ne faut avoir peur de rien, dans le fond, de ce qui existe. Et en se rendant compte que quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines, eh ben, tout grouillement existentiel a toujours été porteur de plus-être, de sur-être. Et c'est ça qui nous intéresse, dans le fond. Alors, bien sûr qu'il y a toujours une crainte quand on est dans des moments de mutation, on préfère la sûreté des institutions, la sûreté des dogmes, etc. Mais les grands moments qui furent les grands moments de fondation de la civilisation chrétienne, c'était des moments qui étaient alternatifs justement aux institutions. Même un moment dogmatique intéressant qui est le XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin, c'est une belle et grande figure qui était révolutionnaire. Après, c'est devenu la scolastique, ça c'est le drame de toute institution, l'instituant devient institué. Nous sommes exactement dans un de ces moments où il y a de l'instituant dans l'air. Voilà. Après, ça deviendra peut-être institué d'ailleurs cela, mais on ne sera pas là pour le voir. Mais en tout cas, ce qui est. Moi, je dis, le travail de la pensée, c'est justement de repérer cet instituant. Même si, à bien des égards, les diverses institutions intellectuelles ont peur de cela. Non, donc il ne faut pas avoir peur. Est-ce que, dans ce discours qui finalement est plutôt optimiste, Michel Maffezoli, dans votre esprit, dans votre bouche, est-ce que vous n'évacuez pas un peu vite la violence, la question de la violence que l'on voit ressurgir justement dans ces tribus ? On a vu récemment le G8 à l'extrême gauche ou après l'élection de Nicolas Sarkozy pour revenir un peu à la politique. Est-ce que cette violence-là n'est pas aussi le danger de ce bouillonnement de tribus que vous observez ? Bon, mais La violence n'est pas dangereuse, la violence. Qu'est-ce que c'est que ces sociétés totalement aseptisées, si vous voulez, où on, le risque zéro, la sécurisation. Moi, je rends attentif à un fait, hein, c'est que, dans le fond, ces sociétés aseptisées sont un peu comme des hôpitaux, il y en a par là, hein, où, qui sont tellement aseptisées qu'on rentre pour se faire soigner un bras et on sort avec une maladie nosocomiale. Hein, et que c'est cela le risque des sociétés où on a voulu évacuer la violence. Ma position n'est pas une position optimiste. La position est une position tragique. Hein, il faut reconnaître ce qui est et s'en dépatouiller de ce qui est. Alors regardons ce qui se passe, les grands penseurs du Moyen-Âge. Moi, j'ai été influencé hein, par le XIIIe siècle, qui est ce grand siècle, Saint Bonaventure, plus que Saint Thomas d'Aquin ou qu'Albert le Grand. L'exemplarisme bonaventurien m'a beaucoup intéressé. Et ces penseurs du Moyen-Âge, ces philosophes du Moyen-Âge, dans leur grande sagesse, c'est ça le vrai humanisme, qui prennent en charge l'humus dans l'humain. Mmh. Et ils disaient le deusu. Le bon usage d'eux. Non pas dénier la violence, mais reconnaître qu'il y a, c'est cela notre humaine nature, c'est de l'humus aussi, hein, il faut en faire, il faut prendre en compte, et plutôt que de la dénier, voir qu'est-ce que je vais, comment je vais l'homéopathiser, comment je vais la ritualiser. La canaliser aussi. Oui, c'est ça, la canaliser, la ritualiser, etc. Trouver des formes rituelles. Les fêtes des fous, les inversions, quand l'évêque devenait diacre au Moyen-Âge, enfin, etc., on a des quantités d'exemples en ce sens, où, qui montraient bien comment il y avait nécessité de la violence. Donc moi, ça ne me fait pas peur, ces trucs-là, Rostock, quoi. C'est plutôt un signe de bonne santé. Il faut casser un peu des choses quand même. Dernière petite question, Jean-François Colosimo, il nous reste une minute. Oui, alors pour une minute, une question très simple. Donc Nicolas Sarkozy ne sera pas le Constantin d'un nouvel empire chrétien. Moi, je ne le pense pas, mais ou Ségolène Royal, l'impératrice Hélène. Plutôt, moi je crois qu'il va y avoir quand même, un devenir féminin du monde, ce que j'ai appelé l'invagination du sang, ça n'est une expression. Ça ne sera pas quelque chose de plus doux. Hein, le vagin peut être un vagin denté, il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. Donc de ce point de vue, ça ne sera pas... Dans le dos, ça. Mais c'est peut-être plutôt dans ce sens-là que ça risque de s'orienter. On verra bien, hein. On verra bien dans 5-6 ans. Merci beaucoup de cet entretien stimulant, Michel Maffezoli, d'avoir été avec nous au cours de cette heure avec Jean-François Colosimo et Jean-Luc Mouton. Vous êtes professeur à la Sorbonne et puis je signale deux de vos livres, Le réenchantement du monde, c'est à la table ronde, et puis La transfiguration du politique, la tribalisation du monde postmoderne, c'est également à la table ronde. Très bonne journée à tous.